revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Mon début de soirée avec gilet jaune ou pas de problème. 18h à Gaillon, tout de suite un nouveau point d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le mouvement des gilets jaunes se poursuit après les blocages de ce week-end. Les manifestants qui protestent notamment contre la hausse des prix du carburant ne désarment pas et organisent encore aujourd'hui plusieurs rassemblements en France. Environ 20 000 manifestants étaient mobilisés à 350 endroits, a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur. C'est nettement moins que samedi, premier jour de blocage où 290 000 personnes s'étaient mobilisées sur plus de 2 000 sites. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé que la première préoccupation de la France après l'arrestation de Carlos Ghosn à Tokyo était la stabilité de Renault et la consolidation de l'alliance entre le constructeur automobile français Renault et son partenaire Nissan. Le PDG de Renault Nissan Mitsubishi a été entendu puis arrêté à Tokyo en raison de soupçons de dissimulation d'une partie de son salaire au fisc. Le constructeur a par ailleurs annoncé que son conseil d'administration allait proposer jeudi le départ de Carlos Ghosn. Les ministres des 27 soutiennent le projet d'accord sur le Brexit, a annoncé Michel Barnier. Le négociateur en chef de l'Union européenne a estimé que le projet d'accord conclu avec Londres était juste et équilibré. Il a par ailleurs assuré que les 27 ministres nationaux de l'Union européenne avaient globalement approuvé le texte. Les ministres des Affaires européennes ont donc donné leur feu vert. Le Rhône est placé en vigilance orange neige-verglas cette nuit pour le premier épisode neigeux de la saison qui touchera en particulier l'agglomération lyonnaise. Le phénomène est prévu pour démarrer à 22h et devrait s'achever demain vers 10h. Les cumuls attendus sont généralement compris entre 1 et 3 cm. Enfin, pour la première fois, le jury de la 89e élection Miss France sera exclusivement féminin après une précédente édition dédiée à la cause des femmes, ont annoncé aujourd'hui TF1 et Endemol. Quoi de mieux que des femmes pour juger des femmes, a justifié Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. Le titre de Miss France 2019 sera décerné le 15 décembre prochain. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Dans les prochaines minutes, Bad Bunny featuring Drake avec Amia, mais tout de suite Silk City avec Electricity sur Espace. L'after school d'Espace. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you now. I wouldn't turn on you.

I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. L'After School sur Espace avec Ludo. L'After School, l'After School, l'After School, l'After School. L'after school. Take a picture of all my flaws, or you could take a video on your phone. And I know that I would talk, but I'm too afraid to pick you up and go on. I'm feeling dazed like a magazine, finding my sanity, wishing it'll all go away. Now I'm smoking out the balcony, telling me profanities, maybe it was never okay. 3, 4, 5's Wednesday, you told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and you told me not again. That I love with our friends. 3, 4, 5's where we stayed. She told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and she told me not again. Now I gotta tell her that I love with our friends. Soirée, c'était Norm avec Narcissiste sur Espace, 0 900 50 35 50 50. C'est le numéro qu'il faut composer pour déposer vos annonces et nous les diffusons gratuitement entre 17h et 21h. Avant 18h30, dans la catégorie des sons à l'ancienne, on écoutera ça. Funky. Mais également un petit Air Sweden Fire. Funky Mix. La France entière danse toujours sur ce titre. Patient, tranquille, aux abords de l'agglomération rouennaise ce soir, notamment 18h20 d'Orion. Tout de suite, la sélection Espace. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, bonne semaine. C'est lundi le 19 novembre et on est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen dès 18h à la librairie L'Armitière, la rencontre avec Agnès de Sarthe. On se dirige ensuite à 20h au théâtre à l'Ouest avec Chantal Latsou et son spectacle show. C'est totalement complet, donc si vous avez vos billets, profitez-en. Au Zénith de Rouen, Rancart, ce samedi 24 novembre pour le spectacle d'Olivier Debenois 040. Et on se dirige ensuite du côté du Calvados dès

Avec un September, alors il a gelé ce matin, il va regeler demain matin. Attention pour les taffer aussi à quelques flocons de neige attendus notamment dans l'est du 27 et sur le pays de Brême. Espace en Normandie, Picardie, bonne soirée, il est exactement 18h30. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie, Picardie. Bonsoir à tous. Les gilets jaunes étaient toujours autant remontés aujourd'hui contre la hausse des taxes sur le carburant notamment. Ils ont occupé les entrées de ville au Havre, un barrage filtrant également à signaler à Notre-Dame-de-Gravenchon ou encore Gonfreville-Lorcher. Les ponts de Tancarville, Bretonne ou de Normandie étaient aussi visés par des actions de blocage. 5 points de filtrage à Dieppe, manifestation également à Gournay, Forges-les-Eaux ou au péage d'Aumale sur la 29. Dans l'agglomération de Rouen, on a recensé un barrage filtrant au rond-point de la Motte entre la Sud 3 et le pont Flaubert. Les ponts de Rouen au trafic très soutenu ce soir. Autre point de blocage, le rond-point du Zénith à Grand-Quevilly. Le rond-point également des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray et à l'entrée du centre commercial de Tourville-la-Rivière où les CRS sont intervenus en fin de journée pour évacuer les gilets jaunes. Dans le département de l'Eure, on a compté 22 points de blocage. Des barrages filtrants ont été installés à Vernon, Gaillon, aux Andelys, Gisors, Sainte-Colombe, la Commanderie, Pont-Audemer, Bourrachard, Brionne, Bernay, Nonancourt, Carcis et Verneuil-sur-Avre. Et puis également à Évreux, les ronds-points de Caer à Normanville et de Cocherel étaient bloqués. Dans l'Eure, toujours, les gilets jaunes sont restés mobilisés toute la journée au péage de Bouville. Écoutez Florian, l'un des manifestants. Dans les deux sens, on laisse passer un rythme de 2 à 5 voitures toutes les 5 minutes. Mais beaucoup d'automobilistes ne sont pas énervés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'ils n'ont pas passé seulement le péage de Bouville. Ils ont été bloqués ailleurs, mais ils arrivent quand même à garder une bonne humeur et une soutienne, ils klaxonnent. Là, vous savez, moi, aujourd'hui, je n'ai pas été au travail. Bon, ma chef n'a pas manqué de m'appeler pour me remonter les bretelles, mais et voilà, quoi, on va pour une cause. C'est la surcharge de taxes, de choses à payer tous les mois, des augmentations par-ci, des augmentations par-là. Ça va toujours dans un sens, quoi. C'est toujours la classe moyenne ou la classe pauvre qui doit payer. Et puis sachez qu'à Beauvais, dans l'Oise, plus d'une centaine de gilets jaunes étaient rassemblés au niveau du rond-point situé à proximité du stade à Pierre-Brisson. Barrage également à signaler sur la rocade sud de Lisieux. Carlos Ghosn, PDG de Renault et qui dirige les conseils d'administration des constructions d'automobiles japonais Nissan et Mitsubishi Motors, a été arrêté à Tokyo ce lundi en raison de soupçons de malversation après une enquête interne de Nissan. Il est soupçonné d'avoir dissimulé une partie de son salaire au fisc et d'avoir utilisé des biens de Nissan à des fins personnelles. À la bourse de Paris, le titre de Renault s'est effondré de plus de 10%. Aujourd'hui, Renault possède deux usines dans la région, à Sandouville et à Cléon. Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement, s'est rendu aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'une des 14 villes jugées prioritaires par son plan initiative copropriété destiné à lutter contre l'habitat insalubre et les copropriétés dégradées. Début octobre, 3 milliards d'euros ont abondé ce plan. Dans le quartier du Château Blanc, 6 immeubles datant de 1964 représentant plus de 300 logements sont particulièrement dégradés avec des ascenseurs en panne ou encore de l'insalubrité. L'un d'entre eux, l'immeuble Sorano, doit être détruit et ses habitants relogés à l'horizon 2023. Et puis Mathieu Tordeur va s'élancer dans quelques heures pour tenter de parcourir 1150 km à pied seul de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud. L'aventurier rouennais espère atteindre Amundsen Scott Antarctic Station le 10 janvier prochain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Cet après-midi, c'est toujours une couche nuageuse grise au-dessus de nos têtes. Le thermomètre est en chute libre à seulement 4 degrés sur le Neubourg, 5 degrés à Évreux ou encore Épieds, 6 degrés sur Vernon, le Vexin Normand, Louviers-Val-d'Oreuil et 7 degrés sur la métropole Rouen-Normandie. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louvier, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 4 degrés là où je vous parle dans les deux régions. Indice de l'air avec Atmo Normandie, j'ai 4 également partout, c'est plutôt pas mal. On attaque cette nouvelle demi-heure avec The Prince Karma. Bitches. party right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... Bitches. Adeliano à l'instant dans l'After School d'Espace en Normandie, en Picardie, c'était Mia. Alors peut-être que ce soir vous empruntez un trajet un peu différent pour rentrer à la maison, pour esquiver certains points de blocage et de filtrage d'opération Gilets jaunes. En tous les cas, donc soyez prudents sur la route, il y a quand même eu quelques incidents. Et puis si vous êtes bloqué, soyez voilà, plutôt tranquille. Et on va essayer que ça se passe bien. 18h42, ce serait pas mal, c'est clair. LSD et Turner Clothes juste après ça. Allô,

son de ma copine à l'instant, Aya Nakamura sur Espace en Normandie, en Picardie. Alors dans la catégorie désormais des titres que vous choisissez pour terminer chaque fin d'heure de l'After School, avant 19h, nous écouterons ça. Franchement, perso, j'ai toujours adoré. 18h52, tout de suite, la Proc Télé avec David. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 19 novembre. Ce soir sur TF1, ça fait plaisir, c'est le retour d'une série culte, d'une saga, une famille formidable, j'adore, on a connu toute la famille, les enfants petits qui ont grandi de saison en saison. Seul bémol, et ça me fout les boules, la chaîne a annoncé que c'était la dernière saison. Je pense qu'ils font une très grosse connerie. France 2, les petits meurtres d'Agatha Christie sont de retour ce soir, mais attention, un que nenni, ce ne sont que des rediffs. 22h45, stupéfiant, Léa Salamé est là comme toujours et ce soir, on va y avoir droit à notre petit rictus coquinou. Mais oui, c'est une spéciale photo de nu. France 3, premier de cordée, c'est un jeu présenté par Fanny Agostini, et moi je trouve qu'elle a pris un peu le bourliche quand même. L'autre jour, je l'ai entendu dans une interview, elle faudrait peut-être dégonfler un peu maman. C'est un jeu qui propose à deux familles réparties en cordées, et ils vont devoir en 3 jours gravir le massif du Mont Blanc. Canal, la série qui cartonne tous les lundis soir, le bureau des légendes, avec uniquement des inédits. Arte, l'avenir, une comédie dramatique avec Isabelle Huppert. C'est l'histoire d'une prof de philosophie dans un lycée parisien. Elle apprend que son mari l'a trompée avec une fille beaucoup plus jeune qu'elle. Du coup, elle décide de partir quelques jours retrouver un ancien élève, aujourd'hui normalien. Donc à mon avis, ils vont nous faire une Brigitte. Ah non, mais c'est sûr. Moi je dis ça, je dis rien, mais je veux pas d'histoire. M6, l'amour est dans le pré, ça y est, on arrive enfin au bilan. On va faire le point. Il y a très peu de couples, j'ai l'impression, qui se sont formés cette saison. On ne peut pas s'engueuler et finir sous la couette. C'est un choix. Le meilleur de la TNT, W9, Red 2 avec Bruce Willis qui va sauver le monde, TMC, Star Wars toute la soirée. Voilà en gros, ça c'est du programme fédérateur. Heureusement que la TNT a été créée pour révolutionner la télévision. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Ouais, je confirme et j'assume total, pas de problème. Avant 19h, Michel Sardou, pour ma part, je vous file le rencard demain dès 17h. Bonne soirée. Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, les O'Connolly, les Flaherty, du Ringham Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie. Que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour.

you could fall in love at the first sight, but all of a sudden. Shallow, in the shallow, shallow, la la la. qui commence à cartonner un peu partout sur toutes les plateformes. Lady Gaga et Bradley Cooper avec Shallow sur Espace dans l'Afterwork du lundi soir. Merci d'être là à Beauménil ou encore à Fleury-sur-Andelle. Et vendredi, vous le savez, grande journée sur Espace et ça débutera dès le matin entre 5h et 9h avec Cédric dans le Morning Light, émission spéciale en direct depuis la ludomédiathèque communautaire des Trépanis. Il est 19h27. La plus normande des radios. En mode souvenir. Écoutez Espace. Soyez prudents sur les routes et laissez nouveaux messages évidemment au 0 950 35 50 50. On les diffuse dans quelques minutes et puis également les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. Mode souvenir maintenant dans l'Afterwork avec Harold Melvin. C'est Don't Leave Me. This Way. Belle soirée. Don't leave me this way. I can't survive. Can't stay alive without your love. Don't leave me this way. No, I can't exist. I'll surely miss your tender kiss. Don't leave me this way. No, don't leave me this way. Qu'il est bon ce morceau, on adore ça, il y a tout le monde danse dans le studio, je suis sûr que c'est pareil dans vos voitures ou même à la maison. C'était Harold Melvin avec Don't Leave Me This Way dans l'Afterwork, tout juste 19h30. Et les marchés de Noël commencent à se mettre en place, rendez-vous à la Barre en Ouche ce dimanche 25 novembre pour leur marché de Noël, ça se passe à la salle des fêtes, tout juste 19h30. Donc voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Les gilets jaunes étaient toujours autant remontés aujourd'hui contre la hausse des taxes sur le carburant notamment. Ils ont occupé les entrées de ville au Havre, un barrage filtrant également à signaler à Notre-Dame de Gravenchon ou encore Gonfreville-Lorcher. Les ponts de Tancarville, Bretonne ou de Normandie étaient aussi visés par des actions de blocage. 5 points de filtrage à Dieppe, manifestation également à Gournay, Forges-les-Eaux ou au péage d'Aumale sur la 29. Dans l'agglomération de Rouen, on a recensé un barrage filtrant au rond-point de la Motte entre la Sud 3 et

La mécanique des sapeurs-pompiers de Fleury-Charleval organise un loto sur deux jours à la salle des fêtes de Vendrema, le samedi 24 novembre. Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30. Et le dimanche 25 novembre, ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h. De nombreux lots sont à gagner sur les deux jours, comme des bons d'achat d'une valeur de 250 euros, un ordinateur, télévision, Cookeo et plein d'autres lots. Réservation et renseignements au 06 18 90 30 49. Venez nombreux et bonne journée à tous. L'association L'île aux marmottes organise une foire à la périculture le 25 novembre de 9h à 17h à l'espace Guy Lheureux à Acquigny. Inscription par SMS au 06 10 25 31 11 ou 07 78 88 25 11 ou encore par mail jessica.dreux@wanadoo.fr. Never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your mark. You left your mark. Reminding me to forget. You left your mark. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. De grands, les kiff graves, c'est de la Caigo Miguel, Remind Me To Forget sur la plus normande et picarde des radios à Étrépagny, à Aumale ou encore à Gournay-en-Bray où vous avez rendez-vous vendredi soir dès 20h30 à la salle des fêtes pour le One Man Show de Noom Diawara. Mon ex avait raison, à l'occasion de sa grande tournée, il passe dans la région. Donc plus d'infos 02 32 89 53 80. Bonne soirée à tous encore une fois, 19h55, soyez prudents sur les routes. Voici David Leroy pour la Proc TV de ce lundi soir. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV.